Chapitre 6e. Les petites soirées continuaient chez les Langlois, et même après le nouvel an, on s'était mis à danser quelque peu. Claire ou Marguerite se mettaient au piano, quelques couples s'envolaient dans le salon, et bientôt la sauterie devenait générale. Marguerite était fort entourée et très courtisée. Indépendamment de la dot honorable qu'elle apporterait, chacun considérait comme une chose inappréciable l'excellente éducation de la jeune fille et le milieu choisi dans lequel elle vivait. Parmi les soupirants, Langlois et sa femme en choisirent secrètement trois qui furent admis à se présenter un peu plus souvent, afin que leur sœur pût faire un choix. Mais elle ne se montrait nullement disposée à faire ce choix, ni maintenant, ni jamais. Aux allusions discrètes de son beau-frère, elle répondait en souriant « Je ne suis pas pressée ». Et l'on ne pouvait tirer d'elle aucune réponse plus explicite. Si Marguerite n'était pas pressée, ses prétendants l'étaient davantage. Un d'eux se prononça un jour de façon à rendre une réponse nécessaire. C'était un aimable garçon, fils d'un magistrat, avocat lui-même, et possesseur d'une fortune indépendante qu'il tenait de sa mère. Dans un pays où les convenances sont souvent plus observées que les sentiments, une telle alliance ne pouvait être repoussée sans de bonnes raisons. « Je ne veux pas, » dit Marguerite, appelée au grand conseil dans le cabinet de son beau-frère. « Je comprends que tu refuses, » dit Claire avec douceur. « Mais encore faut-il donner un motif suffisant à ce refus ?» Marguerite rougit et resta un moment les yeux baissés. Appelant enfin à elle tout son courage, elle regarda sa sœur et dit « Je n'ai pas envie de me marier. Voilà la vérité. Votre union me paraît si heureuse que je désespère d'obtenir rien de semblable. Et je ne voudrais pour rien au monde, comme on en voit tous les jours, où l'on unit des fortunes ou des positions sociales, sans se préoccuper des êtres qu'elles représentent. Je crois, ma sœur et vous, Charles, je crois pouvoir vous affirmer que je ne me marierai pas. J'élèverai vos enfants, si vous le permettez, et quand ils n'auront plus besoin de moi, ceux de nos sœurs cadettes, qui se marieront un jour à leur tour, sans doute. » Elle avait parlé tout d'une haleine, sans hésitation et sans hâte. Évidemment, elle avait pesé de longue date les paroles qu'elle venait de proférer. Quand elle eut terminé, elle se tourna vers son beau-frère comme pour lui demander de ratifier la résolution qu'elle venait d'énoncer. Très inquiet, Langlois la regarda avec attention. Elle baissa les yeux modestement. « Que penses-tu de cela, Claire ? » dit-il à sa femme. « Je pense, » répondit la jeune femme en passant son bras sous le cou de Marguerite. « Je pense que si ma sœur n'a pas envie de se marier, il y aurait de la cruauté à l'y contraindre, d'autant plus qu'elle est jeune et qu'elle aura le temps de changer d'avis. Nous sommes heureux, Charles. Elle a raison de désirer un bonheur semblable au nôtre. Ce n'est pas toi qui aurais le courage de l'en blâmer. » « Qu'il soit fait comme vous le désirez, ma chère Marguerite, » dit Langlois en s'apprêtant à les quitter. « Je vais répondre à notre jeune ami que vous êtes décidé à ne pas vous marier d'ici un temps illimité. »« Jamais, » murmura Marguerite à voix basse. Le docteur échangea un regard avec sa femme et sortit. Claire entraîna sa sœur sur un petit canapé placé entre deux fenêtres, de façon à recevoir le moins de lumière possible. C'est ce que Madame Langlois appelait le coin des confidences. « Écoute, sœurette, » dit la jeune femme, « tu viens de nous donner des raisons excellentes, mais moi qui t'aime et qui suis heureuse en ménage, je voudrais te voir aussi heureuse que moi. Pourquoi ne veux-tu pas essayer ?» Marguerite rendit à sa sœur le baiser qui avait clos le discours, puis dit à son tour d'une voix tranquille, « On n'essaie pas d'être heureuse, ma sœur chérie, on l'est ou on ne l'est pas. J'ai trop peur de ne pas l'être. » Claire garda le silence un moment, puis reprit, « Mais quand on aime, si l'on épouse celui qu'on aime, et si l'on a eu soin de bien placer son choix, on a bien des chances de bonheur. » Marguerite ne dit rien. « C'est bon d'aimer, ma sœur chérie. Être aimé, c'est encore meilleur, peut-être. Avoir des enfants à soi, c'est encore mieux que d'aimer ceux des autres. Cela ne te tente pas. » La jeune fille fit lentement signe que non. « C'est singulier, » reprit Claire, « comme on se fait parfois des idées fausses. » En te voyant écarter tous les partis, je m'étais figuré que tu attendais une autre proposition, que quelqu'un avait trouvé moyen de te plaire et lorsque celui-là viendrait. « Personne ne viendra, » dit Marguerite d'une voix ferme. « Alors tu n'as préféré personne ?»« Personne, » répéta-t-elle. Claire embrassa sa sœur encore une fois et se leva. « J'aime mieux cela, » dit-elle d'un ton où perçait encore quelques doutes, « parce qu'un jour ou l'autre, celui que tu dois aimer viendra et alors... » Elle sortit avec un sourire triomphant. Marguerite, restée seule, mit la main sur son cœur et dit tout bas « Hélas, il ne viendra jamais celui que je dois aimer. Celui que j'aime est venu et il ne m'aime pas. » Elle essuyait lentement du bout des doigts de larmes qui s'amassaient sous ses cils, poussa un gros soupir, puis, reprenant haleine du fond de sa poitrine, elle se dirigea vers la chambre de son neveu. L'enfant dormait de ce sommeil adorable et profond qu'on appelle le sommeil de l'innocence. Ses petites mains rouges, à demi fermées, se posaient à son côté comme s'il était là de les porter. La tête ronde, couverte de cheveux follets bouclés, mêlés, s'enfonçait dans l'oreiller avec un air de béatitude extrême. On ne voyait que l'oreille du petit dormeur et un coin de joue rouge de sommeil. Le reste était enfoui, invisible aux yeux, dans le rebondissement de l'oreiller. La respiration égale et lente de l'enfant remplissait cette chambre claire et gaie d'une sérénité presque auguste. Marguerite se pencha sur le berceau, sans troubler le petit garçon, et elle le regarda un instant avec des yeux attendris dont les larmes coulèrent bientôt, brûlantes et rapides. « Toi aussi, » pensait-elle, « un jour tu seras homme, tu seras aimé, tu n'aimeras pas, et quelque pauvre fille pleurera à son tour parce qu'elle t'aura donné son cœur sans rien recevoir en échange. Celle-ci n'aura peut-être pas, comme moi, un petit être à chérir jusqu'à ce qu'il soit ingrat et l'oublie. Dors, cher petit, dors, pendant que tu n'as encore causé de chagrin à personne. » Un bruit se fit entendre dans la pièce voisine. Marguerite se releva précipitamment, et une de ses larmes tomba sur le visage du mignon dormeur, qui se retourna en grognant. Du coin de son mouchoir, la jeune fille essuya délicatement la joue du petit Lucien. Claire entra. « Que fais-tu là ? » dit-elle. « Lucien s'agitait. Je le berce pour le calmer. » La jeune mère se pencha sur le bébé d'un air de fierté maternelle, puis s'écarta pour vaquer à quelques menus soins. Marguerite, immobile, la main sur le berceau, regarda encore un instant l'enfant qui s'était rendormi, puis se détourna et rentra dans sa chambre.